Vous essayez de faire des efforts, vous lisez des bouquins, comment séduire une femme qu'on aime en deux heures, montre en main. Vous organisez une surprise qui cassera la baraque, allez direction plage 24. C'était pas une idée qui vous tente, laissez la plage suivante. Wow, wow, wow. Pa la pa pa la pa pa pa pa.